Exercice 3, page 51. A. Père, peur. B. Serre, sœur. C. R, heure. D. Mère, meurt. E. Sel, seul. F. Flair, fleur.